finir mes jours à Tombouctou. La peau tirée par des machines à clous. Moi je veux être fripé, triplement fripé, fripé comme une triplette de Belleville. Je vais finir ma vie à Acapulco, danser toute raide avec des gigolos. Je veux être tordue, triplement tordue, balancée comme une triplette de Belleville. Allez les gars, allez, swinging Belleville, rendez-vous. Maton dancing, doo-doo-doo. Voodoo, cancan, ballet tabou. Au Belleville, sois un rendez-vous. Comme une triplette de Belleville. Je vais finir ma vie à Honolulu. Chanter comme un oiseau, ça ne se fait plus. Je veux être brisée, complètement brisée, et swinguer comme une triplette de Belleville. Allez les gars, oui! Swinging Belleville, rendez-vous. Je veux être givré, triplement givré, la quadrature des triplettes de Belleville. Je pourrais finir ma vie à Katmandou, c'est bien plus doux de faire des rimes en doux. Je veux être givré, complètement givré, swinguer comme les triplettes de Belleville. Allez les gars, oui, swinging Belleville, rendez-vous. Maton dancing, do di do. Voodoo, cancan, ballet tabou. Au Belleville, sois je rendez-vous.